8h26, un mot sur le droit de grève. Moi, je vois encore l'université et le système d'éducation comme un service. Je vois encore l'étudiant comme un client d'un service. Si je vais chez McDonald's et que je décide que je suis mal servi chez McDonald's ou que je n'aime pas la bouffe de chez McDonald's, ce qui n'est pas le cas en passant, pas besoin de vous convaincre. Hein? Je le sais que j'ai pas besoin de vous convaincre. Un trio de cheese, ça fait encore la job, même s'il est plus sur le menu. Je le demande pareil. Moi aussi. moi, je suis un vieux de la vieille. Je suis un irréductible, puis je veux mon trio de cheese. Moi, c'est même les deux hamburgers, même pas de cheese. Ah ouais? Ah oui. Moi, c'est ça. Je prenais ça quand j'étais petit. J'avais 3 ans, je prenais ça. Une fois de temps en temps, je me recolle ça, même si c'est pas sur le menu. Mettons que je décide que le McDo, ça fait plus. Ben, j'y vais plus. Est-ce que j'ai à empêcher des gens qui veulent continuer d'aller au McDonald's puis qui estiment qu'ils sont bien servis chez McDo puis qu'ils mangent bien chez McDo? Je suis qui, moi? Dans nos universités, dans nos cégeps, ça fonctionne de même. T'as quelqu'un qui décide à la place de tout le monde. Si tu veux plus y aller à tes cours, vas-y plus. Tu veux que ça me fasse, moi? Vas-y, dans la rue, vire des chars de bord. N'ai rien à foutre. Mais, il y a quelque chose, par exemple. Les gens qui veulent continuer d'étudier doivent continuer de recevoir leurs cours. Puis la formation doit se donner. Puis on doit s'assurer que les professeurs sont là, puis qu'ils sont pas des agitateurs comme au cégep de Limoilou, puis qu'ils font partie de la solution, puis pas du problème. Et non du problème. Il me semble que c'est simple. Ouais. Oh, j'espère que les choses vont se régler. Déjà que nos universités, lorsqu'on les compare, perdent, s'il faut qu'ils continuent de reculer au niveau des services, au niveau de la qualité de l'éducation, aïe aïe!